Oui, prince, je vous chasserai. Vous m'entendez, je vous chasserai sans hésiter. Aglaé proféra cette menace d'une voix dure. Toute trace de tendresse avait disparu de ses traits. Vous savez, Aglaé, le mieux serait que je ne vienne pas du tout à la soirée de votre maman. Je me ferai excuser. Oh, Seigneur, a-t-on jamais vu une chose pareille? Il ne viendra pas, alors que tout est organisé exprès pour lui. Non, décidément, vous êtes un homme impossible. Non, c'est bien, je viendrai. Et je vous donne ma parole que je passerai la soirée sans ouvrir la bouche. Oh, je comprends parfaitement que vous vous inquiétiez de mon comportement. Mais je vous assure que toute cette inquiétude n'est qu'enfantillage. Que nous importe l'opinion de tous ces gens épris d'eux-mêmes et gardiens farouches de convenances désuètes, et souvent tout à fait sortes. Oh, cela suffit, prince. Votre révolte contre les gens du monde et les convenances ne signifie rien. Ou plutôt, elle signifie que vous êtes incapable d'égaler ces gens que vous dénigrez et de vous conduire comme eux dans la société. Un point, c'est tout. Dites-moi, Léon Nikolaïevitch, plus tard, vous ne m'en voudrez pas de toutes les méchancetés dont je vous abreuve. Mais non, Aglaé. Votre emportement est tout à fait justifié par ma maladresse. Oh, vous rougissez et votre regard s'assombrit de nouveau. Je sais d'où vous vient cet air courroucé. Taisez-vous, prince. Il y a des paroles qui, une fois dites, ne peuvent plus être reprises. Alors taisez-vous, je vous en prie. Aglaé saisit ma main, la serra fortement dans les siennes et me regarda avec effroi. Aglaé Ivanovna, madame la générale vous appelle. Aglaé lâcha ma main et s'enfuit. Elle semblait contente d'abréger notre entretien. Rentré chez moi, je me couchais sans me déshabiller. Je passai une nuit fébrile. Je songeais avec terreur à ce qui arriverait si pendant cette soirée j'avais une crise d'épilepsie. N'avais-je pas déjà eu deux crises depuis mon retour en Russie? Cette pensée me glaça. Je m'endormis enfin et je me vis en compagnie de gens étranges et silencieux. Je savais bien que je devais moi aussi demeurer silencieux. Cependant, je m'entendais comme si c'était quelqu'un d'autre, discourir sans arrêt, cherchant à persuader de je ne sais quoi mes interlocuteurs muets. Je me réveillais en sursaut, la tête douloureuse, le cœur battant à tout rompre. Alors je décidai de rendre visite à Hippolyte, qui luttait désespérément contre la mort. Je sautai de mon lit et je plongeai mon visage enflammé dans une cuvette d'eau froide. À ce moment, quelqu'un frappa à ma porte. Oui, c'est moi, Lebedev, maître de séant et votre humble serviteur. Pourquoi me regardez-vous ainsi, prince? Vous ne me reconnaissez pas? Cependant, je n'ai pas changé. Hélas, je suis toujours le même. Un misérable. Vous buvez l'alcool, monsieur Lebedev. Il n'est que 9 heures, vous commencez mal la journée. Mal, c'est le mot, honorable prince. Je viens d'être puni de ma lâcheté et de ma trahison. Sachez, prince, que j'ai reçu un soufflet. Un soufflet? Mais de qui? Et de si bonne heure? Non, l'heure n'a rien à y voir. D'ailleurs, il s'agit d'un soufflet moral. Si tout cela est arrivé, c'est votre faute, généreux prince. Vous m'avez cruellement offensé. Oui, d'abord, vous m'avez honoré de vos confidences à propos des relations que vous entreteniez avec Nastassia Philippovna. Mais bientôt, vous êtes devenu cachotier. Et vous avez refusé de répondre à mes questions, cependant bien innocent. Et comme je comprends, monsieur Lebedev, vous me reprochez de ne pas vous faire un rapport quotidien de mes pensées et de mes actes. Et c'est à peu près cela, honorable prince. C'est même tout à fait cela. Or, je ne peux pas supporter d'être tenu à l'écart de vos secrets. Et d'autant plus que je sais beaucoup de choses. Et les sachant, j'ai été pris du désir de les communiquer à quelqu'un. Et vous l'avez fait? Hélas, oui, je l'ai fait. Sous forme de lettres anonymes. À qui avez-vous envoyé des lettres anonymes, monsieur Lebedev? Mais à qui voulez-vous que je les envoie? À madame la générale Yepanchine, bien entendu, puisqu'elle est la mère d'Aglaé Ivanovna. Je la mettais au courant de tous les agissements de la famille Volgine et de tous les déplacements de cette aventurière Nastassia Philippovna. Mais dans quel but tout cela, monsieur Lebedev? Dans un but totalement désintéressé, prince. Je peux même dire que l'envoi de mes lettres à la générale Yepanchine était de l'altruisme pur. Une sorte d'abnégation de ma part. Vous m'affligez beaucoup, monsieur Lebedev. Et votre abnégation me semble des plus suspectes. Oh, je vous comprends, honorable prince. Je désapprouve moi aussi ma propre conduite. Je me reproche avec amertume de vouloir tout salir, tout envenimer. Et c'est pour cela que je me suis permis de venir chez vous, dans l'espoir que vous voudrez bien dissiper mon amertume et mes remords, un peu tardifs, je l'avoue. Non, je ne peux pas le faire, car je ne crois pas à votre repentir. Et vous avez raison. Mon repentir est peu sincère. Par contre, mon regret de vous avoir nui est réel. Et ce regret ronge mon cœur et me pousse à manivrer. Il me rend également triste. Oui, mais il ne vous empêche pas de continuer à envoyer à la générale Yepanchin des lettres anonymes. Si fait, prince. J'ai cessé depuis 3 jours d'envoyer ces lettres. Résultat, j'ai senti comme un grand vide dans mon existence. Un vide qui me hantait et dérobait le sol sous mes pieds. Alors, je n'ai pas pu résister. Et ce matin, à 8h15, j'ai informé Madame la Générale Yepanchin, cette noble mère de famille, que j'avais à lui parler d'une affaire. Et j'ai attendu sa réponse, le cœur serré. Pourquoi le cœur serré, Monsieur Lebedev? Et Madame la Générale a daigné m'accorder une audience. Vous venez de voir Elisabeth Prokofievna? Je viens de la voir, prince. Et de recevoir précisément ce soufflet moral dont je vous parlais. Et comment cela? Madame la Générale m'a rendu mon billet sans le lire. Et elle m'a chassé à coups de pied, au figuré, bien entendu. Mais quel billet Elisabeth Prokofievna vous a-t-elle rendu sans l'avoir lu? Mais celui que je lui avais remis. Il est vrai que je ne vous ai rien dit au sujet de ce billet étrange. Et de qui était-il? D'une certaine personne dont le prénom commence par A. Bon, eh bien, pour vous obliger, je vais taire mes scrupules et je vous communique ce prénom en entier. C'est Aglaé. Et à qui ce billet d'Aglaé Ivanovna était-il destiné, je vous prie? Anastasia Philippovna. Pouvez-vous imaginer une chose pareille? Une jeune fille pure et noble qui écrit à une femme... Enfin... Ce n'est pas possible, vous êtes fou. Pas tout à fait, très honoré prince. D'abord, j'avais l'intention de vous le remettre, ce billet. Mais ensuite, j'ai jugé plus opportun d'éclairer la noble mère, c'est-à-dire la générale, sur le genre de correspondance qu'entretient sa fille Aglaé avec une femme qui... Enfin bref, j'ai demandé à Madame la Générale Yepanchin une audience pour 8h15. Vous me l'avez déjà dit, Monsieur Lebedev. Oui, mais je ne vous ai pas dit que j'avais signé ma demande d'audience votre correspondant secret. Mais peu importe comment vous avez signé, poursuivez. On m'a fait entrer immédiatement, par la porte de service, il est vrai, pour me conduire chez la noble mère. Et vous m'avez dit cela également, et puis? Madame la générale a failli me battre. C'est-à-dire que cela n'a tenu qu'à un fil. De sorte que je puis me considérer comme ayant été battu. Elle m'a lancé le billet de sa fille Aglaé Ivanovna au visage, et s'est écriée « Je ne lis jamais les lettres qui ne me sont pas destinées, crapule. » Et ce billet, où est-il à présent? Où il est? Il est... C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Ginette Taffin, Aglaé, Liliane Bell, une domestique, et Jean-Jacques Delbault, Lebedev. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.